على قبور الصالحين يعتبر محبة لهم، وأن الدعاء عند قبورهم يستجاب، ثم ينقلهم من هذه المرتبة إلى الدعاء بها والتوسل بها، فإذا ألفوا ذلك نقلهم منه إلى دعاء المقبورين وعبادتهم وسؤالهم الشفاعة من دون الله عز وجل، فتصبح قبورهم أوثانا تعلق عليها القناديل وتسدل عليها الستور ويطاف بها وتستلم وتقبل. فإذا ألفوا ذلك نقلهم إلى أن يدعو الناس إلى عبادة هذه القبور واتخاذها أعيادا ومناسك، فإذا ألفوا ذلك وتقرر عندهم نقلهم إلى اعتقاد أن من نهى عنه، يعني نهى عن عبادة القبور، فقد تنقص الأولياء وأبغضهم وزعم أنه لا حرمة لهم ولا قدر لهم. Serviteur d'Allah, nous avons parlé dans la dernière khutbah au sujet des choses qui amènent les hommes à tomber dans le shirk. Et on a expliqué comment le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a fermé toutes les portes vers ce qui fait tomber les gens dans le shirk. Et on a mentionné parmi les exemples l'interdiction du prophète sallallahu alayhi wa sallam de construire quoi que ce soit par-dessus les tombeaux. Aujourd'hui, on va mentionner un autre point parmi les points de ce que les ulama ont mentionné au sujet de ce sujet, et c'est le fait d'exagérer au sujet des hommes pieux, d'avoir de l'exagération envers eux. Et si le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit d'exagérer par rapport à sa personne, et qu'il a dit « La tatrouni kama atrati nasara Isa ibn Maryam, fa innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluhu », le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « N'exagérez pas à mon sujet dans la glorification », de la même manière que les chrétiens ont exagéré dans la glorification de Jésus, le fils de Marie. « Car je ne suis qu'un serviteur, alors dites, serviteur d'Allah et son messager. » Et donc si c'est interdit d'exagérer à propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien c'est encore plus interdit d'exagérer à propos d'un autre parmi les hommes pieux, qui est bien entendu moins que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, moins important que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'est-ce qu'on veut dire par l'exagération au sujet des hommes pieux? On veut dire de les élever à un degré ou à un niveau qui est plus haut que celui dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala l'a placé. Et c'est-à-dire d'exagérer à leur sujet au point de les mettre dans un statut ou un degré qui n'est pas permis pour nous de le faire. Hein? Et comme par exemple le fait de les adorer en dehors d'Allah ou de les invoquer en dehors d'Allah, de les implorer dans les moments de détresse ou de faire le tawaf, hein, de tourner autour de leur tombeau, de se frotter à leur tombeau ou de prendre leur terre, la terre de leur la poussière ou la terre qui est sur leur tombe pour chercher la bénédiction de ces tombeaux-là, ou bien de sacrifier ou de faire des sacrifices auprès de leur tombeau. Tout ça, c'est des exemples d'exagération à propos des hommes pieux, ou bien de leur demander la subsistance ou l'aide ou le support en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ça sont des formes de shirk qui sont pratiquées dans certains pays musulmans. Et le shaitan, la manière comment il a réussi à faire pénétrer et à faire entrer le shirk parmi les hommes, eh bien ça s'est produit à l'époque de Nuh alayhi salam. À l'époque de Nuh alayhi salam, le shaitan a réussi à faire tomber les hommes dans le shirk pour la première fois. Et c'était justement par l'exagération envers les hommes pieux. Et donc il est obligatoire de prendre garde et yani, de s'écarter de ce genre de choses, même si l'intention de la personne qui le fait est bonne, eh bien il faut savoir que c'est quelque chose de très grave et de très dangereux. Et dans notre Ummah, le shirk a été introduit de la même manière que ça a été introduit à l'époque de Noé. Nuh alayhi salam. Le shaitan a fait en fait plusieurs ruses pour tromper les hommes et les faire tomber dans l'exagération et dans l'innovation, et faire croire aux gens que le respect envers les hommes pieux et de montrer aux hommes pieux du respect et de l'amour, eh bien pour faire ça, il fallait les adorer et tomber dans le shirk. Et donc c'est ce qui est arrivé, malheureusement, comme c'était arrivé préalablement à l'époque de Nuh, alayhi salam. Et donc le shaitan continue toujours à inspirer les adorateurs des tombeaux pour essayer de les faire égarer de plus en plus dans un égarement plus profond. Et donc le shaitan continue à inspirer aux adorateurs de tombes et à les amener à construire des bâtiments, des mausolées, des dômes par-dessus les tombes des hommes pieux et de se tenir auprès de ces tombes-là. Et ils considèrent que ça, c'est une forme d'amour pour eux. Également par la suite, d'invoquer, de faire des douas et de croire que de faire des douas près de ces tombeaux-là, eh bien, on est plus apte à être exaucé que si on fait notre doua ailleurs que près de leur tombe. Une fois que le shaitan a réussi à les faire tomber dans cet égarement, eh bien, il les ramène maintenant, il les fait tomber dans un égarement plus grave encore, un autre niveau d'égarement. Et c'est-à-dire d'invoquer et de faire des douas à cet endroit-là en mentionnant le nom de ceux qui sont enterrés dans ces tombeaux, en croyant qu'en passant par ceux-là, ou en mentionnant leur nom dans l'invocation qu'on fait, Allah subhanahu wa ta'ala va écouter plus notre invocation que si on le fait, que si on ne les mentionnait pas. Une fois qu'ils ont accepté ça, le shaitan les fait tomber à un degré encore plus grave et encore plus grand dans l'égarement, ce qui les amène par la suite à chercher l'intercession directement des morts et à invoquer directement les morts en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça devient du shirk apparent et clair, une forme de shirk majeur, et ces tombeaux deviennent des idoles et les gens commencent à placer des chandelles dessus et à mettre des rideaux par-dessus ou des draps et à construire des cages autour en or pour les protéger. Une fois que le shaitan les a fait tomber à ce degré d'égarement, il les amène à s'égarer encore plus et à appeler les hommes à adorer ces tombeaux et à les prendre comme des lieux de pèlerinage et à les prendre comme des lieux de fête. Et une fois que cette chose-là est installée et qu'ils l'ont acceptée, eh bien, ils commencent à croire que ceux qui veulent interdire les gens de commettre ce genre de choses et de pratiquer ces formes de shirk et de bid'a, eh bien, que ce sont des gens qui détestent les hommes pieux. وَقَدْ سَرَى ذَلِكَ فِي نُفُوسِ كَثِيرٍ مِنَ الْجُهَّالِ وَالطُّغَامِ وَكَثِيرٌ مِمَّنْ يَنْتَسِبُ إِلَى الْعِلْمِ وَالدِّينِ حتى عادوا أهل التوحيد ورموهم بالعظائم ونفروا الناس عنهم فعلوا ذلك كله تحت ستار حب الصالحين وتعظيمهم وقد كذبوا في ذلك لأن محبة الصالحين على الحقيقة تكون على وفق الكتاب والسنة وذلك بمعرفة فضلهم والاقتداء بهم في الأعمال الصالحة من غير إفراط ولا تفريط يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Et donc, toutes ces idées et ces croyances ont pénétré dans les âmes et les cœurs des ignorants, de ceux qui prétendent même parfois appartenir à la science et à la religion. Et ils ont commencé à apprendre en animosité et en haine les gens qui appellent au tawhid, à les accuser de toutes sortes de faussetés. Et ils ont même fait fuir les gens, des gens qui appellent au tawhid, tout ça sous la prétention de vouloir défendre les salihines et d'aimer les hommes pieux. Et ils ont menti à propos de ce sujet, car le fait d'aimer les hommes pieux, la réalité d'aimer les hommes pieux, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie de prendre leur exemple et de suivre les bons exemples qu'ils ont amenés dans les bonnes œuvres qu'ils ont faites. Sans tomber dans l'exagération ni dans le laxisme, hein, et d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour eux, de demander le pardon pour eux, hein, comme Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans le Coran lorsqu'il nous enseigne comment invoquer pour ceux qui nous ont précédés dans la foi, il mentionne à propos des gens, des croyants, qu'ils disent « Oh, oh notre Seigneur, pardonne à nous, ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi. » Et donc, on doit faire des invocations pour les hommes pieux, et non pas les adorer eux, et non pas les invoquer eux. Hein? يقول شيخ الإسلام ابن تيمية فكل من غلا في نبي أو رجل صالح وجعل فيه نوعا من الإلهية مثل ما يقول يا سيدي انصرني أو أغثني أو رزقني ونحو هذه من الأقوال فكل هذا شرك وضلال يستتاب صاحبه فإن تاب وإلا قتل فإن الله سبحانه وتعالى إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب ليعبد وحده لا شريك له ولا يدعى معه إله آخر والذين يدعون مع الله إله آخر مثل المسيح والملائكة والأصنام لم يكونوا يعتقدون أنها تخلق الخلائق أو تنزل المطر أو تنبت النبات وإنما كانوا يعبدونهم أو يعبدون قبورهم أو يعبدون صورهم ويقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله فبعث الله رسله تنهى أن يدعى أحد من دونه لا دعاء عبادة ولا دعاء استغاثة انتهى كلامه رحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية المنسيان que toute personne qui exagère à propos d'un prophète ou d'un homme pieux et qui lui donne une part de la divinité en disant par exemple « Ô mon maître, sauve-moi » ou « Ô toi, viens à mon secours, viens à ma détresse, donne-moi ma subsistance » comme le font par exemple certains d'entre les soufiyines. Lorsqu'ils ont un malheur ou une détresse, ils appellent leur shuyukh en dehors d'Allah. Ils disent « Ya Abdul Qadir al-Jilani, unsurni, ya Rifa'i, unsurni, ya Shafili, unsurni, ya Tijani » au lieu d'appeler Allah subhanahu wa ta'ala. Et certains, ils appellent aussi même le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à leur secours, au lieu d'appeler Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il dit, toutes ces paroles sont des exemples de shirk et d'égarement. Et la personne qui fait cela doit être appelée à se repentir. Sinon, elle mérite la peine de l'exécution selon l'islam. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a uniquement envoyé les messagers et fait descendre les livres pour qu'il soit adoré lui seul, sans aucun partenaire, et pour que personne ne soit invoqué en dehors de lui. Donc ceux qui invoquent avec Allah subhanahu wa ta'ala une divinité autre, comme le Messie, Jésus, fils de Marie, ou les anges, ou les idoles, eh bien, ceux qui font cela, ils ne le font pas en croyant que ces idoles, ou que ces prophètes, ou que ces anges ont créé quelque chose dans l'univers. Ils savent très bien que ces choses-là n'ont aucun pouvoir de créer quoi que ce soit, ou de faire tomber la pluie, ou de faire pousser les plantes. Mais ils les adorent, et ils les invoquent, et ils adorent leurs tombes, et leurs statues, et leurs images, en disant, nous les adorons que pour qu'ils nous rapprochent un peu plus d'Allah. Et ils disent, ce sont nos intercesseurs et nos intermédiaires auprès d'Allah. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé ses messagers pour que personne ne soit adoré ou invoqué en dehors de lui. Que ce soit une invocation d'adoration ou une invocation d'appel au secours. Et bien entendu, c'est lorsqu'on appelle au secours quelqu'un en dehors d'Allah, dans ce que seul Allah subhanahu wa ta'ala peut faire, et bien dans ce cas-là, c'est du shirk. Toutefois, si on appelle au secours quelqu'un qui est vivant et qui est présent et qui est capable de venir à notre aide, ça, c'est pas du shirk. Hein? Le shirk, c'est uniquement lorsque quelqu'un invoque quelqu'un qui est absent ou qui est mort. Et donc, dans ce cas-là, ça devient du shirk. Et donc, tout ça, c'est des exemples hein, d'exagération que beaucoup de gens ont commis malheureusement. Et on est dans leur pratique et dans leur croyance. Et à cause de ça, ils sont tombés dans le shirk. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد عباد الله اتقوا الله واشكروه على نعمه وفضله يزدكم serviteurs d'Allah, craignez Allah et soyez reconnaissants envers lui pour toutes les grâces et tous les bienfaits qu'il vous donne et il vous augmentera en bien. Comme on a expliqué dans la première partie de cette khutba que le shirk est apparu pour la première fois à l'époque de Nuh alayhi salam, et c'était à cause de la vénération des hommes pieux et des sages qui existaient parmi eux. Et Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné le nom de ces hommes sages dans le verset وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَصْرًا. Donc ces cinq hommes, Wad, Suwa', Yaghouth, Ya'uq et Nasr, c'étaient les hommes pieux qui existaient à l'époque de Nuh alayhi salam. Lorsqu'ils sont morts, comme Abdullah ibn Abbas a mentionné, lorsqu'ils sont morts, les gens se sont dirigés vers leur tombeau, puis ils ont fait ériger des images, des statues à cet endroit-là, pour se rappeler d'eux. Le but, c'était pas de les adorer au début, c'était seulement de se rappeler d'eux, pour essayer de les suivre et de prendre ces hommes-là comme un modèle. Puis, après une longue période, les générations sont passées et les gens ont oublié la raison pour laquelle ces statues avaient été créées ou fabriquées, et les gens ont commencé à les adorer, elles, au lieu d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, en disant que ce sont des intermédiaires entre eux et Allah. Et voilà comment l'idolâtrie est entrée dans le monde. Et c'est une preuve que ce que font les gens aujourd'hui auprès des tombeaux, lorsqu'ils invoquent et lorsqu'ils demandent à des hommes pieux, que ça c'est du shirk. Et le fait de construire, comme on a expliqué, le fait de construire une mausolée ou un dôme ou toute autre construction, un oratoire ou des choses de ce genre par-dessus une tombe, on a expliqué dans la khutba précédente, la semaine passée, que tout ça c'est des choses qui ont été interdites par l'islam, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné ça dans plusieurs hadiths, comme le hadith qui rapportait sur Aisha radiallahu anha, anna Salama dhakarat li rasulillah sallallahu alayhi wa sallam kanisatan ra'adha bi ardi al-habasha yuqalu laha maria fadhakarat ma ra'athu fiha فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق إلى الله أولئك شرار الخلق إلى الله. Selon Aisha رضي الله عنها qui a rapporté que Salama a mentionné au messager d'Allah صلى الله عليه وسلم qu'elle a vu une église en Éthiopie nommée Maria, et elle lui a mentionné ce qu'elle a vu à l'intérieur de cette église, et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: cela, lorsqu'un serviteur pieux ou un homme pieux meurt parmi eux, ces gens construisent un lieu de culte sur sa tombe et ils font ce genre de dessin à l'intérieur ou ce genre de statue à l'intérieur, et ces gens sont les pires créatures pour Allah. Et wa'an jundub ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل أن يموت بخمس يعني بخمسة أيام يقول ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. Et donc c'est rapporté selon Jundub ibn Abdullah al-Bajali qui a dit: j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire 5 jours avant sa mort: certes, ceux qui étaient avant vous prenaient les tombeaux de leurs prophètes pour mosquées. Alors ne prenez pas les tombeaux pour lieu de culte, car en vérité je vous interdis de le faire. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه الذي لم يقم منه لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. Selon Aisha radiallahu anha qui a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit durant sa mort, ou bien avant sa mort dans sa maladie, que la malédiction d'Allah soit sur les juifs et les chrétiens, ils ont pris les tombeaux de leurs prophètes pour lieu d'adoration. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن تجسيس القبر وأن يبنى عليه. C'est rapporté selon Jabir que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a interdit de plâtrer les tombeaux ou de bâtir quelque chose dessus. Wa qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam: Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Oh Allah, ne laisse pas ma tombe devenir une idole qu'on adore. Et un point qui est important à mentionner aussi, parce que lorsqu'on mentionne l'interdiction que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait du fait de construire quoi que ce soit sur les tombeaux, comme c'est le cas dans certains pays musulmans malheureusement, comme c'est le cas par exemple en Iran ou en Irak ou au Maroc ou au Sénégal ou en Syrie ou ailleurs, partout où on va dans les pays musulmans, au Pakistan, en Inde, au Bangladesh, tu trouves dans les mosquées une tombe en plein milieu. Et les gens vont là-bas et puis ils demandent à ces morts, au lieu de demander directement à Allah et de demander que à Allah, les gens, ils répondent parfois, ils disent: oui, mais regardez l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-Masjid al-Nabawi, ils disent: regardez, il y a la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la mosquée. Et ils utilisent ça comme un exemple ou comme un argument pour justifier ce que d'autres ont fait dans d'autres pays en enterrant leurs hommes pieux à l'intérieur des mosquées. Eh bien, on va clarifier ce point-là justement ici, Inch'Allah. Il est important de comprendre que la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas été placée dans la mosquée par les sahaba. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait clairement interdit cela. Il fut enterré à l'endroit où il est mort, c'est-à-dire dans la maison de sa femme Aïcha radiallahu anha, qui était située à l'est de la mosquée et qui était séparée de la mosquée par un mur. Lorsque les premiers khulafa, les dirigeants de la Umma, firent agrandir la mosquée, ils prirent grande précaution pour ne pas l'agrandir vers l'est, pour ne pas inclure la maison de Aïcha radiallahu anha dans la mosquée. Mais qu'est-ce qui est arrivé par la suite? C'est plus longtemps après, durant le khilafat de Abdul Malik ibn Marwan, entre l'an 705 et 715 du calendrier grégorien, que l'expansion de la mosquée fut faite vers l'est et que les maisons des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam furent démolies, excepté la maison de Aïcha, qui fut incluse dans la mosquée, malgré que plusieurs savants furent contre cela. Et ce n'est également que très tard, après la mort des sahaba, que le dôme vert fut construit sur la maison de Aïcha. C'est environ vers l'an 1300 du calendrier chrétien que ce dôme fut construit par un des dirigeants de l'Égypte à l'époque. On ne peut donc pas prendre ce qui a été fait par des gens après les sahaba comme une référence pour bâtir des mosquées sur les tombes, ou bien de bâtir des tombes dans les mosquées. On sait donc que c'est quelque chose qui n'a pas été fait par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni ordonné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni par les sahaba. Bien au contraire, ça a été interdit par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et surtout quand on sait que c'est contraire au Coran et à la Sunna et toutes les preuves qu'on a mentionnées à ce sujet. À une certaine époque, le Baqir, c'était le cimetière de Médine, près de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était rempli de mausolées et d'oratoires. Plein de gens avaient construit des mausolées par-dessus les tombes des hommes pieux à cette époque. Mais par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, les réformateurs de l'islam n'ont jamais cessé de rappeler aux musulmans de la sunna et de défendre la pureté des enseignements de l'islam. Et parmi les ulama de l'islam qui ont clarifié ces choses-là, eh bien, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah et Cheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab et bien d'autres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait ordonné de détruire toute tombe et toute construction qui avait été élevée au-dessus de la terre, et il a ordonné de les niveler au niveau du sol, comme on a mentionné le hadith qui est rapporté selon Abul Hayyaj al-Asadi, qui a dit: qala li Ali radiyallahu anhu, Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, ala ab'athuka ala ma ba'athani alayhi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, an la tada'a timthalan illa tamastah. ولا قبرا مشرفا إلا سويته. Et donc Abu al-Hayyaj al-Asadi a rapporté que Ali ibn Abi Talib lui a dit: je vais t'envoyer dans une mission semblable à celle que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam m'a envoyé faire. Ne laissez pas une statue sans la détruire, ni une tombe élevée sans la niveler. Il y a un livre qui a été écrit par Cheikh al-Islam, par un des mashaykhs et un des ulama de notre époque, qui s'appelle Muhammad Nasruddin al-Albani, un grand savant, qui a écrit un livre, Tahdhir al-Sajid min ittikhaz al-Qubur masajid, c'est-à-dire d'avertir les gens qui prient et qui se prosternent de prendre les tombes comme des lieux d'adoration. Donc, dans ce livre, Cheikh Al-Albani a mentionné les preuves et les clarifications et les détails à ce sujet-là pour ceux qui veulent avoir plus d'explications. Il y a également un livre écrit par Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah qui s'appelle Iqtida Sirat al-Mustaqim Mukhalafatu Ashab al-Jahim. Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah a parlé de cette question-là en détail et de façon très approfondie dans ce livre-là. Et il dit justement dans le livre à la page 675 du volume 2, au sujet de ces mosquées bâties sur les tombes des prophètes et des hommes pieux, il est du devoir de chaque musulman de les éliminer, soit en les détruisant ou d'une autre façon. Et je ne connais aucun désaccord entre les savants connus sur ce sujet. C'est-à-dire que les savants ont expliqué que si on a construit sur une tombe une mosquée ou un mausolée, eh bien c'est un devoir pour les responsables musulmans dans ces pays-là de les niveler et de retirer cette mosquée ou cette mausolée qui a été construite par-dessus. Puisque c'est quelque chose qui est contraire à l'islam est interdit par le professeur sallam. Et il a expliqué que la salat qui a été accomplie dans telle mosquée, c'est-à-dire la mosquée dans laquelle il y a une tombe, il a expliqué que cette prière, elle est détestable. Et il dit, je ne connais aucun désaccord sur ce point. Et elle n'est pas valable, d'après ce qui est clair du madhab, à cause de l'interdiction et de la malédiction rapporté dans les hadiths à ce sujet. Donc détestable dans le sens que c'est haram et que celui qui prie dans une mosquée dans laquelle il y a une tombe, sa prière ne sera pas valable, elle ne sera pas acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ça c'est mentionné par Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah dans son livre dans lequel il a parlé de ce sujet-là. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui inshallah, mais c'est un rappel en même temps pour tous les musulmans de la Ummah, de comprendre les questions qui ont rapport avec le Tawhid et de comprendre le danger du shirk et qu'est-ce que le shirk représente comme menace pour la croyance du musulman. Dans tous les pays musulmans, en Égypte et ailleurs, comme j'ai dit tout à l'heure, en Égypte, au Bangladesh, en Inde, au Pakistan, en Syrie, en Liban, au Maroc, en Tunisie, en Algérie, au Sénégal, au Mali et ailleurs, on trouve des tombeaux qui ont été construits sur des mosquées qui ont été construites sur des tombes, ou bien parfois des tombes qui ont été introduites dans les mosquées. Tout ça, c'est des manifestations de shirk, des choses qui sont en opposition avec l'islam, avec le tawhid. Ça n'a jamais été fait à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ni à l'époque des sahaba, et ça, c'est une chose qui est apparue à l'époque des Fatimiyyah, par les Rafidah, Shia Rafidah, et ça a été par la suite propagé par les Soufiyah dans les différents pays musulmans. Et donc c'est des innovations, c'est des bid'ah, et c'est pour ça que le musulman doit être au courant de ça et faire attention justement de ne pas tomber dans ce genre de choses et dans ce genre de pratiques. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداء الدين وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم بارك الله فيكم الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا